Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une interview d'Antoine Robitaille, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le nouvel homme nouveau », qui est paru aux éditions Boréal en 2007. Et ce livre est une enquête sur les utopies technoscientifiques. Ça concerne surtout ce qu'on appelle le post-humanisme, le transhumanisme, l'homme augmenté et aussi la singularité. Tout un ensemble de délires technoscientifiques qui se veulent utopiques, mais qui en fait promeuvent la fusion de l'homme avec la machine afin de les rendre tous les deux plus performants dans le cadre du capitalisme industriel. Dans les années 1990, ces différentes utopies technoscientifiques étaient encore relativement marginales, mais ces dernières années, elles ont bénéficié d'une certaine complaisance dans les médias et qui relayent leurs thèses et leur offrent des tribunes sans aucun esprit critique. Pour citer le plus connu, on pourrait citer le docteur Laurent Alexandre, qui a une tribune dans le supplément Sciences et Médecine du journal Le Monde, et aussi le fait que, voilà, c'était fin novembre 2014, c'était à Paris, il y a eu la rencontre Transvision, qui a rassemblé les promoteurs internationaux du post-humain et du transhumanisme, donc pas loin de Paris. C'était organisé par l'association Technoprog, la branche française des transhumanistes, et aussi avec les associations Trace et Fixiscience, toutes deux spécialisées dans l'acceptabilité des technologies. Je vous propose d'écouter tout de suite Antoine Robitaille. Donc c'est une interview qui a été réalisée dans 2008 par Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, puisque Antoine Robitaille est un universitaire québécois. Le son de cette émission n'est pas excellent, mais en compensation, pour entendre ce magnifique accent québécois dont la belle province a le secret. Monsieur Robitaille, votre livre s'intitule « Le nouvel homme nouveau ». Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre livre? Ben, beaucoup de choses. Quand on parle du nouvel homme nouveau, on va peut-être commencer par le titre. Ben, le titre, c'est un peu une énigme autour de... Pourquoi ce pléonasme-là du nouvel homme nouveau? Parce que l'homme nouveau, c'est un vieux projet des utopies du 19e siècle. Hein, on voulait réformer l'homme, améliorer sa condition radicalement. Et c'était au départ un projet qui se faisait par la modification de la société, des modifications politiques aussi, du régime politique. Donc, l'idée au départ, c'était ça. Mais actuellement, l'homme, ce que j'appelle le nouvel homme nouveau, c'est l'homme qui serait forgé par des utopies biogénétiques et technologiques. Donc, le projet n'est plus social et politique, il est technique. Quand je dis technique, je veux dire technologique, là, toutes les techniques qui pourraient transformer l'homme. Et c'est un projet d'amélioration, non pas des conditions de l'être humain, mais de l'être humain lui-même. Des meilleurs corps, des meilleurs cerveaux. Un homme plus puissant, un surhomme, qui ne serait plus tout à fait un homo sapiens, mais qui serait plus qu'un homo sapiens. Monsieur Robitaille, dans le célèbre roman de Mary Shelley, le docteur Frankenstein donne naissance à une créature qui, au final, finira par se retourner contre son créateur. Ne pourrions-nous pas prolonger le principe en disant que les travaux des post-humanistes risquent d'engendrer le même genre de problème? Mais c'est vrai que le mythe de Frankenstein est un mythe très important qu'il faudrait réactiver, parce qu'il y a toutes sortes de projets actuellement. Il suffit de se promener dans les laboratoires, d'interviewer des scientifiques, pour voir à quel point ces gens-là, même s'ils ne connaissent pas le mot de post-humanisme, ils le vivent et ils espèrent créer quelque chose comme un nouvel homme nouveau. Hein? Et cette idée-là les habite. Alors, ça peut être par la voie des prothèses, hein, qu'on pourrait accéder au poste humain. Les prothèses font de plus en plus partie du corps. Les prothèses sont intelligentes aujourd'hui. C'est une mauvaise traduction intelligente de smart. Quand on dit smart, ça veut dire que ça interagit avec le système, les systèmes internes du corps. Le meilleur exemple, c'est le pacemaker actuellement, qui devient une banalité. Hein. Il y a tellement de gens qui portent des pacemakers aujourd'hui. Et puis, de plus en plus, on va intégrer de l'informatique dans ces prothèses-là. Alors là, on projette de faire des vessies, des pacemakers au niveau de la vessie. On a toutes sortes de projets, là, je pourrais les énumérer. Mais la prothèse ultime, ce serait de se relier à un ordinateur. Hein? Et ça, il y a plusieurs penseurs qui en parlent, qui en rêvent, qui disent il faut éventuellement connecter le cerveau à l'ordinateur. Et ça serait un cerveau assisté, hein? Une intelligence assistée, serait par une intelligence artificielle. Et éventuellement, même le remplacement de la plateforme qui est actuellement le corps humain biologique, par une plateforme informatique. Hein? Et ça, on le voit chez des auteurs comme Ray Kurzweil aux États-Unis. Et ça serait donc l'ultime prothèse. Peut-être une petite précision en passant. Ray Kurzweil, qui est le fondateur de l'Université de la Singularité, qui est situé en plein au cœur de la Silicon Valley. Ce monsieur a été embauché par la firme Google en 2012 pour développer des programmes d'intelligence artificielle. Il y a aussi par la voie des médicaments. Les médicaments sont de plus en plus sophistiqués. C'est pas pour dire qu'on en découvre à chaque semaine, parce que on m'a dit récemment que le pharmaceutique actuellement, ça stagne un peu sur le plan des découvertes. Mais il y a quand même des projets très importants de Ritalin et de Prozac de plus en plus personnalisé. Hein? On fait un scan de la personne, puis on dit, lui, il a besoin d'un Prozac de ce genre-là ou d'une Ritaline de ce genre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça transforme notre façon de voir l'intelligence, de voir notre pensée, notre esprit, notre âme, en une chose qui est biogénétique. Donc, il suffit d'avoir les bonnes pilules pour se donner les sentiments qu'on souhaite avoir. Il y a deux autres voies. Je pourrais parler de l'AGM, par exemple, l'homme génétiquement modifié. On connaît les OGM, les débats sur les OGM. Je lisais encore dans le Monde vendredi dernier que la France songe à abolir ou à rejeter complètement les OGM. Ici, en Amérique du Nord, c'est clair qu'on mange déjà des cornflakes qui sont génétiquement modifiés. Mais ce qui est extraordinaire avec les OGM, c'est que ce sont des plantes qui produisent leurs propres insecticides. Hein. Donc, on leur rajoute quelque chose qui sont totalement étrangers, qui est totalement étranger à ces plantes-là à l'origine. Et l'homme génétiquement modifié, eh bien là, il pourrait les rêves, en tout cas des scientifiques sont extrêmement grands et extrêmement audacieux. J'ai même lu cet exemple d'un grand généticien qui disait j'aimerais sculpter des génotypes. Et sculpter des génotypes, selon lui, ça voulait dire, par exemple, si un individu souhaite avoir des ailes, ben on lui en fera pousser grâce à la modification génétique. Vous voyez quel genre de diversification aussi des corps que ça peut représenter. Déjà qu'on est aux prises avec les phénomènes comme le piercing et le tatouage, qui sont des façons de singulariser les corps. Imaginez si il y avait des modes qui transitaient ou qui se couplaient avec des techniques aussi puissantes que la modification génétique, on aurait des corps vraiment extrêmement diversifiés. L'autre, la quatrième voie vers la post-humanité, bien, c'est celle qui est peut-être la plus fréquente chez les post-humanistes et le rêve le plus ardent, c'est l'homme éternel. Hein? On souhaite abolir la mort, on souhaite tuer la mort. Abolir la mort, c'est l'ambition d'un programme qui a été aussi développé par la firme Google à partir des années 2013 et ça à l'ère de diverses technologies. Comment? Ben, à long terme, on souhaite que la nanotechnologie, que les nanotechnologies, donc la possibilité d'intervenir au niveau moléculaire, éventuellement atomique, puissent nous permettre de créer, par exemple, des petits robots qui corrigeraient l'outrage du temps dans le corps. Il y a des choses, par contre, qui existent et il y a des phénomènes qui existent actuellement. L'utilisation, par exemple, des antioxydants. Il y a des gens qui font de la restriction calorique pour vivre plus longtemps. Donc, c'est déjà, de façon embryonnaire, le rêve d'une vie... moi, je l'appelle l'homme éternel, mais d'une vie plus longue et éventuellement une abolition de la mort. Je remarque qu'il n'y a pas une maudite annonce de yogourt qui ne nous dit pas que ça ne nous rend pas plus forts. Plus... Donc, même, vous voyez, tout le discours autour de la bouffe est devenu un discours thérapeutique. Même la bouffe devient thérapeutique. Il y a un discours autour de la santé là qui est déjà là. Et qui, si des nouvelles techniques apparaissaient, qui nous donnaient 10, 15, 20 années de plus de vie, qui nous garantissaient ces années-là, et éventuellement presque repousser la mort presque de façon illimitée, ben je suis certain que la majorité d'entre nous, et même moi, hein, on irait, on prendrait ces techniques-là, on utiliserait ces techniques-là. Monsieur Robitaille, venez de le dire. Les militants transhumanistes et posthumanistes travaillent et militent pour surpasser la mortalité humaine. Mais qui dit disparition de la mort dit également disparition de l'enfance ou apparition d'un problème de surpopulation inégalé dans l'histoire humaine. Oui, oui. Et vous avez vu comment ils répondent à cette question-là. Parce que j'ai posé cette question-là au chercheur de Cambridge, là, Aubrey de Grey, qui lui dit, dans 25-30 ans, je vais être capable de fournir un upgrade génétique, donc une mise à jour génétique, en tout cas, aux êtres humains, pour pouvoir les ramener systématiquement vers l'âge d'une trentaine d'années. Là, hein. Donc, l'idée, c'est pas de vivre, pas d'avoir un cinquième âge, hein. On parle d'un quatrième âge aujourd'hui, pas d'avoir un cinquième âge, c'est de vivre vieux en santé. Hein. Donc, rajouter pas simplement des années à la vie, mais de la vie aux années. Hein. Vraiment, vraiment y aller très loin. Donc, lui, j'ai posé la question à Aubrey de Grey, je dis, vous, qu'est-ce que vous faites des problèmes de surpopulation? Parce que, bon, il dit, écoutez, ça, c'est pas mon problème. On réglera les détails plus tard. C'est ça qu'il a dit. Parce que, il dit, il faut arrêter, et ils ont une vision très, très particulière de la mort. Il dit, il faut arrêter cet holocauste. La mort, c'est un holocauste. Pourquoi? Parce que, à chaque jour, il y a l'équivalent de la bibliothèque du Congrès qui meurt dans le monde. Au sens où il y a une masse de savoir, d'expérience, qui se retrouve éliminé. Et il faut lutter contre ça, dit-il. Et il dit, lorsqu'on a travaillé, par exemple, au début du 20e siècle, sur l'hygiène, par exemple, l'hygiène lors des accouchements, on a fait augmenter passablement les taux de survie des enfants et on a augmenté la natalité. Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire aux médecins, non, non, non, non, non, ne propagez pas ces idées-là sur l'hygiène, parce que ça va faire augmenter les populations. Alors, non, non, non, il dit, ce ne sont pas des questions sérieuses, et on se débrouillera avec ça. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, des très critiques, il y a des gens très critiques de la post-humanité qui disent, de toute façon, si on en venait à vivre très, très, très longtemps, 150, 200 ans, ben, on n'aurait plus envie de se reproduire. Ça, c'est une possibilité. On voit que dans les pays où il y a la meilleure espérance de vie, il y a les plus bas taux de natalité. Hein, ça va ensemble bien souvent. Donc, c'est comme ça que les militants répondent en disant « c'est une question qui se réglera par elle-même plus tard ». C'est une bonne question, selon moi. Et puis, je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Sur Hôpital, dans votre livre, vous vous référez souvent à la WTA. World Transhuman Association. Qu'est-ce que recherchent les membres de cette association? Combien sont-ils et sont-ils bien organisés? Ils sont bien organisés, mais ils ne sont pas très nombreux. Et ils sont environ 3 000 dans le monde. Ils ont des congrès annuels dans des endroits très prestigieux. Ils sont allés à Yale, ils sont allés à Toronto, à U of T, en Angleterre. Vous savez, ils sont allés au Venezuela aussi. Donc, je les donne les exemples dans mon livre de congrès. C'est toujours des congrès très bien organisés. C'est pas... moi, je le dis dans le livre, ça ne m'a pas semblé être une secte. Contrairement à certaines personnes qui disent, voilà, ça c'est une secte, c'est des gens dangereux. Bon, c'est peut-être des gens qui ont des idées dangereuses, mais ce n'est pas une secte. Il ne semble pas avoir une contrainte interne à respecter certains codes. Ce sont aussi souvent des scientifiques, donc des gens très individualistes qui se font leur idée par eux-mêmes. Donc, c'est une organisation assez traditionnelle, au fond, mais qui charrie des idées très, très particulières. Et selon moi, ce sont des idées qui sont là comme latentes dans notre société. Je parle à des gens, souvent, la façon dont ils abordent la mort aujourd'hui, par exemple, la disparition de l'idée de mort naturelle, les grands espoirs qu'on met et qu'on fonde sur la science pour nous faire vivre un peu plus longtemps. Donc, eux, les post-humanistes, on dirait qu'ils prennent toutes ces idées-là, puis ils les radicalisent. Ils vont jusqu'au bout des conséquences logiques. Hein? Alors, c'est ce qui est toujours intéressant avec les marginaux. Moi, je me suis intéressé, début des années 90, quand j'étais à la maîtrise en sciences politiques, aux écologistes radicaux. Hein? Ceux qui disaient, là, je suis allé à leur congrès d'ailleurs dans le Vermont, et il y a un type qui criait, c'est le congrès de Earth First, et ça m'avait frappé un type qui avait crié le slogan du groupe qui était « Down with human beings hein? », à bas les êtres humains, hein? Parce que c'est les êtres humains qui gangrènent la Terre. Donc, ce qui est intéressant avec les marginaux, c'est qu'ils prennent les idées qui sont dans l'air du temps, puis il les radicalise. Et c'est ça que font les transhumanistes et les posthumanistes. Et c'est ça qui me semble très intéressant chez eux. C'est qu'ils nous révèlent des parts de nos idées qui sont un peu inavouées. Hein? Et quand on écoute les gens parler, quand on les voit utiliser la chirurgie plastique pour à peu près n'importe quoi, et les croissances d'utilisation de ces techniques-là sont très fortes. Hein? Quand on voit aussi toutes sortes d'artistes, les courants artistiques, le bio-art, par exemple, il y a des courants artistiques transhumanistes déclarés. Quand on voit ces gens-là, on se dit, c'est ça, ils prennent les idées et ils les radicalisent. Donc, je n'ai pas peur qu'il y ait un jour que les transhumanistes gouvernent. J'ai peur un peu, par contre, que leurs idées se transmettent et se propagent sans critique, hein, sans critique, tellement elles peuvent être séduisantes pour une partie de la population qui pense déjà comme ça. Hein, ils sont un peu... Vous savez, dans Molière, il y avait le personnage de M. Jourdain qui, un jour, reçoit son maître de prose et, à un moment donné, M. Jourdain dit, « Mais mon Dieu, je fais de la prose depuis 40 ans, puis je ne le savais pas. » Ben, j'ai l'impression parfois qu'on est dans le post-humanisme sans qu'on le sache vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, avec mon livre, c'est qu'on fait ressortir ou on met en relief des idées qui sont là déjà et que ces gens-là mettent, exagèrent, si vous voulez, ou radicalisent. Monsieur Robitaille, dans votre livre, vous évoquez quelque chose d'un peu effrayant. Vous parlez d'une éventuelle division de l'humanité. Vous dites que l'ère post-humaniste s'annonce peuplée non seulement d'êtres dissemblables, mais également d'espèces distinctes les unes des autres. La post-humanité sera plurielle. Oui, c'est ça. Pluriel, habituellement, c'est très positif, mais là, je voulais vous montrer un cas où le pluralisme pouvait être un peu épeurant. Et évidemment, j'avais à l'esprit à ce moment-là le grand roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où il y a effectivement des hommes nouveaux et des anciens hommes. Les anciens hommes sont relégués dans des espèces de réserves, et les hommes nouveaux, eux, ils ont été modifiés à leur naissance dans des éprouvettes, parce qu'ils sont tous nés en éprouvettes. Et j'avais ça à l'esprit. Petite remarque au passage, Aldous Huxley était le frère de Julian Huxley, c'était un socialiste et surtout un biologiste renommé qui deviendra secrétaire de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi un partisan assez farouche de l'eugénisme, dont il disait que ça deviendrait la religion de l'avenir. Et du coup, en 1957, il invente le transhumanisme dans un petit article assez court. Mais Aldous Huxley ne parle pas de l'individuation, si vous voulez, des corps. Il y a l'individualisme, moi, je pense, qui peut entrer en ligne de compte et qui peut décupler les différences entre les êtres humains et éventuellement qu'il y ait presque des espèces différentes. Imaginez si certaines des techniques dont je parle dans mon livre est disponible pour les individus. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'individualisme extrême de ces pensées-là. Hein? Parce que, par exemple, on a tous peur de l'eugénisme aujourd'hui. L'eugénisme, ça a été un courant très important au début du 20e siècle. La volonté de corriger certains traits humains amène à une espèce de pureté là, qui est très dangereuse. Mais c'était l'État qui faisait ça. C'était l'idée que l'État s'occupait même, il y a eu de l'eugénisme ici au Canada, dans certaines provinces, hein, on tuait des handicapés carrément. C'est très grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait l'eugénisme? Il y a Jürgen Habermas en Allemagne qui parle d'un eugénisme libéral. Un eugénisme libéral, c'est quoi? C'est un eugénisme qui est fait dans le secret du cabinet du médecin. Hein? Grâce à des techniques comme le diagnostic préimplantatoire. Hein, c'est encore plus sophistiqué que l'échographie, ça, le diagnostic préimplantatoire. On a comme tout le code génétique de l'embryon à venir, et on peut peut-être même choisir plusieurs embryons, dans plusieurs embryons, celui qui fait le plus notre affaire. Ça, c'est ça l'eugénisme libéral. Francis Fukuyama parle de, par exemple, la possibilité pour des parents de donner certaines caractéristiques à leurs enfants. Déjà, il y a des différences entre les classes. Ça existe encore, les classes. Les gens qui sont dans les classes les plus favorisées de notre société, souvent, ils ont pour leurs enfants beaucoup d'ambition. Et Francis Fukuyama, c'est un grand philosophe américain, se pose la question, et si ces gens-là avaient accès à des techniques? Là, il y aurait presque des... Vous savez, aux États-Unis, il y a des cas où un jeune qui n'a pas de problème de taille prend des hormones de croissance pour faire l'équipe de basket. Mais là, on n'est plus du tout dans la médecine curative. Là. On ne soigne plus rien. Là. On ne fait qu'augmenter l'être humain. On est déjà là-dedans. Est-ce qu'on va aller... Moi, ma question, c'est est-ce qu'on va aller toujours plus vers cette possibilité-là d'améliorer ce qui nous semble aujourd'hui des gens bien portants? Justement, à ce sujet, M. Robitaille, comme le souhaitent les adeptes du transhumanisme, en multipliant l'intelligence humaine par 10, par 100, par 1000, ne risque-t-on pas également de multiplier tout autant la taille des inégalités sociales et internationales? Ben oui, c'est ça, exactement. C'est le grand danger. Quand on pose la question aux post-humanistes, d'ailleurs, ils sont un peu mal à l'aise, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, là, ils disent « Ah ben écoutez, vous voyez les calculettes aujourd'hui, les calculatrices, là? Avant, elles coûtaient très cher, puis c'était uniquement les riches qui pouvaient s'en procurer. Ben, quand une technologie est assez vieille, à un moment donné, elle se répand. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter. Éventuellement, regardez les ordinateurs, et des ordinateurs dans toutes les classes aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas d'inégalité parce que ces techniques-là vont être distribuées. Moi, je pense que c'est une façon un peu optimiste de voir les choses. Hein? Et ça fait l'impasse sur une chose, c'est, vous savez, le dopage dans les sports, là, c'est pas uniquement réservé, c'est pas une question qui est uniquement réservée au sport. C'est toute la société qui est interpellée, je crois, par le dopage dans les sports, parce que le sport, c'est un peu une métaphore de la société. C'est un peu la guerre sublimée, le sport aussi, hein. C'est pas la guerre, mais c'est une guerre arrangée, si vous voulez, de la guerre sublimée. Quand il y a des gens qui se dopent, ils brisent, ils violent les règles du jeu, ben, ça va être aussi comme ça dans la société. Déjà, on peut se doper beaucoup. Moi, j'ai pris quelques cafés ce matin, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ce qui me fait peur, c'est la puissance aussi de la technique, doubler des idées contemporaines sur l'individualisme et sur la volonté de se distinguer. Effectivement, vous avez raison. Il y a un grand risque d'accroissement des inégalités sociales et des inégalités entre le premier monde et le tiers-monde et le quart-monde, ça c'est clair. Oui, d'autant qu'un certain nombre de transhumanistes et de post-humanistes font des déclarations qui ne laissent pas trop de doutes sur leur conception de l'égalité sociale. Voilà, je cite par exemple, « Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres qui ne le seront pas, ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. » Et encore, une autre citation, « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1, et on entend actuellement Antoine Robitaille qui présente son ouvrage « Le nouvel homme nouveau, voyage dans les utopies de la post-humanité ». C'est paru aux éditions Boréal en 2007. Dans votre livre, Monsieur Robitaille, vous parlez des bioludites. Qu'est-ce qu'un bioludite? Ce sont des gens extrêmement critiques de toutes ces techniques. Les ludites, hein, ce sont les gens en Angleterre au 19e siècle qui ont jeté par la fenêtre toutes les machines, les nouvelles machines à tisser, par exemple, que voulaient amener les patrons dans les usines parce qu'ils se disaient, s'il y a des machines, il n'y a plus d'emploi. Et nous, on refuse ce progrès-là. C'est pas un progrès, c'est une régression. Donc, on jette les machines par-dessus bord. La petite précision, c'est pas tout à fait exact. Les ludites refusaient surtout l'instauration de l'usine et du salariat, puisque c'était des artisans indépendants. Ils s'opposaient à ces nouvelles formes de production, puisque ça mettait entre les mains privées une production qui était auparavant sociale et communautaire. En fait, les ludites luttaient surtout contre la dépossession et la perte de contrôle de leurs moyens de production. Et dans l'anglophonie, c'est devenu le symbole et l'incarnation, si vous voulez, du refus du progrès. Les ludites, c'est devenu une expression dans l'anglophonie pour dire c'est quelqu'un qui refuse, mettons, quelqu'un qui va dire j'aime pas les ordinateurs, ah, c'est un ludite. Or, les bioludites, c'est selon les post-humanistes, c'est une épithète faite, conçue par les post-humanistes, pour désigner tous ceux qui refusent, par exemple, toutes les techniques qui feraient intervenir les cellules souches. Il y a un gros débat aux États-Unis autour de ça, et je dirais plus largement en Occident. Donc, on les accuse d'être des bioludites, de transférer à l'époque d'aujourd'hui le simple refus du progrès qui existait au 19e siècle chez les ludites. Alors, c'est une épithète qui se veut méchante, qui se veut péjorative. Et la plupart de ceux qui se font traiter de bioludites refusent le terme. Dans ce sens-là, on pourrait quasiment dire que José Bové est le dernier des ludites qui encourage le fauchage volontaire. Oui, on pourrait dire que c'est un bioludite, absolument, José Bové, qui refuse les OGM, la culture des OGM en Europe. Certainement un peu exagéré de faire de José Bové le dernier des ludites, puisque la critique de la société industrielle continue en Europe, notamment à travers toutes les zones à défendre qui se manifestent à droite et à gauche en ce moment. Je ne sais pas si lui l'accepterait, par exemple, parce que les gens qui refusent les OGM vont dire souvent « Ben, le vrai progrès, c'est de prendre conscience que nos inventions ont des effets sur la Terre, ont des effets sur la société aussi, et que avant de les intégrer, il faut peut-être se poser davantage de questions, faire intervenir ce qu'on appelle le principe de précaution. Mais là, justement, les post-humanistes, pour eux, le principe de précaution, c'est une horreur, parce que ça aurait empêché toutes les inventions qui font notre bonheur aujourd'hui, que ce soit la roue jusqu'au rayon X, hein. C'est sûr que les rayons X, on a reculé un peu à un moment donné. Vous savez, quand mes parents me racontent, moi, que dans les magasins de souliers, il y avait des machines à rayons X lorsqu'on essayait des souliers, on s'est rendu compte que c'était très dangereux, que ça donnait le cancer, donc on les a retirés de là, et on utilise les rayons X encore aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus sécuritaire. Actuellement, les réseaux informatiques, Internet, les Wi-Fi, l'Internet sans fil, Ben, c'est beaucoup d'ondes, ça. Et vous savez qu'il y a des gens en France, d'ailleurs, qui se sont peut-être des lodites dans des bibliothèques publiques, dans 16 bibliothèques publiques à Paris, qui ont refusé l'installation des Wi-Fi parce qu'ils estimaient que depuis, ça mettait leur santé en danger. Et que depuis que ces machines-là avaient été installées pour procurer l'Internet sans fil, ils ressentaient des maux qu'ils ne ressentaient pas avant. Et donc, avant d'implanter ça, il fallait faire une étude complète. C'est peut-être une bonne question, je ne sais pas. Vivre dans un gigantesque micro-ondes, c'est peut-être dangereux, effectivement. En tout cas, peut-être que dans quelques années, on va reculer comme on a reculé pour les rayons X. Hein. Au début, les rayons X, les gens disaient, il n'y a aucun danger, hein, aucun danger. Mais là, je ne sais pas. Mais c'est intéressant, en tout cas, sur le débat sur l'application des sciences et des techniques doit se faire et... Le transhumanisme, autant que le post-humanisme, sont des idéologies difficiles à classer sur le spectre politique classique. Ces courants sont-ils de gauche ou de droite? Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite dans ces courants-là. Plutôt de droite, par exemple. Une droite individualiste, libertarienne, inspirée par Von Hayek, Ayn Rand, des auteurs comme ça américains, font la promotion d'un individualisme radical, hein? Que l'individu n'ait aucune contrainte imposée par le collectif. Il y a un petit courant de gauche, incarné par à peu près juste une personne, en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup, qui dit « c'est formidable le progrès technique, il faut l'appliquer ». Je parle de James Hughes, c'est un Américain du Connecticut, qui a écrit un livre qui s'intitule « Citizen Cyborg », qui incarne à peu près à lui seul la vision de gauche du transhumanisme et du posthumanisme. James Hughes, il a aussi écrit un texte qu'on peut trouver assez facilement sur Internet qui s'appelle « Le transhumanisme démocratique 2.0 », où il expose réellement un programme politique assez bien construit pour séduire à la fois les élites, mais aussi les minorités, entre guillemets, comme les handicapés et d'autres personnes qui souffrent de leur identité fixée par leur corps. En France, le transhumanisme de gauche est promu par l'association Technoprog, dirigée par un certain Marc Roux, qui nous dit un autre transhumanisme est possible, c'est-à-dire un transhumanisme plus à visage humain, pour ainsi dire. Mais voilà, on continue toujours sur Radio Zinzine avec Antoine Robitaille. Et lui dit, il va falloir à un moment donné que l'État intervienne pour mieux redistribuer les fruits du progrès technologique. Et lui est toujours en débat avec les libertariens. Puis les libertariens extrêmes, ils ont des réticences même à l'égard de des réticences à l'égard de la démocratie. Parce qu'ils considèrent qu'un pays démocratique... c'est peut-être pas la meilleure solution pour ce qui est de l'avenir de l'humanité, du progrès de l'humanité. Il y a beaucoup d'ignorants qui votent, et ces gens-là connaissent pas le progrès technique, et qu'il faudrait peut-être aller plus vite avec une direction bien éclairée. Hein. C'est le rêve, au fond, un peu platonicien du philosophe roi. Là, c'est philosophe roi, c'est un peu un technocrate. Hein. C'est un peu ce rêve-là. Mais évidemment, leur individualisme radical tempère, je vous dirais, les réticences qu'ils peuvent avoir au sujet de la démocratie. En tout cas, il y a des beaux débats là-dessus, puis c'est vrai que c'est difficile de classer de gauche, de droite. Et les gens de gauche disent, ben il faut pas oublier qu'au 19e siècle, ceux qui étaient du côté de Prométhée, donc Prométhée, c'est dans la mythologie grecque, c'est un peu celui qui incarne la technique. Donc l'idée que à cette époque-là, la gauche fonctionnait avec l'espoir que le progrès technique amène l'homme nouveau. Hein. Et, avec le temps, c'est devenu une affaire. Le progrès technique est devenu suspect parce que très livré, souvent livré au capitalisme. Et évidemment, les gens qui sont dans le courant de gauche du post-humanisme disent qu'il faut réactiver notre lien, nous, avec entre la gauche et Prométhée, notre lien entre la gauche et l'espoir du progrès technique. Monsieur Robitaille, Raël est-il le seul à avoir manifesté publiquement des ambitions post-humanistes? Y a-t-il des post-humanistes plus célèbres ou plus crédibles que ce personnage à soutane qui prétend être le frère de Jésus? Ben, lui, il fait du post-humanisme religieux. Moi, je ne me suis pas intéressé à ces courants-là parce que je trouve que c'est pas très intéressant. C'est un fumiste aussi. Je pense qu'il sait très bien qu'il ment et tout ça. Non, c'est pas un utopiste. Hein. Il y a une différence entre l'utopie et la religion. Il y a une différence entre l'utopie et la science-fiction. Mais il y a une différence aussi entre l'utopie et la religion. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est l'utopisme. Parce qu'on dit toujours aujourd'hui qu'on est en carence d'utopie, qu'on est en manque d'utopie. Et là, je trouvais qu'il y avait une utopie qui valait la peine qu'on la souligne au crayon gras. Or, Raël, c'est ça, c'est un chef de secte banal, très peu intéressant. La seule chose qui est intéressante chez lui, c'est que il promeut des idées qui sont proches du post-humanisme et il réussit à embarquer du monde là-dedans. Ça prouve qu'il y a un attrait latent pour ces idées-là dans notre société. Et donc, je me suis pas intéressé à lui, mais c'est ça. Je pense qu'il démontre bien qu'il y a un post-humanisme latent dans une partie de la société, parce que ses rêves sont totalement post-humanistes. Et vous dites, est-ce qu'il y a des post-humanistes plus célèbres? C'était l'autre partie de votre question. Oui, il y en a. Je pense à Stephen Hawking en Angleterre, le célèbre astrophysicien qui lui dit il faut absolument qu'on télécharge, on puisse télécharger un jour le contenu de notre cerveau dans un ordinateur pour que ce contenu-là continue à évoluer en fonction des stimuli externes et tout ça. Donc lui, je considère que c'est un post-humaniste, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous savez, le co-découvreur de l'ADN a dit est un post-humaniste. Le co-découvreur de la structure de l'ADN, pardon, pour être plus précis, Watson, hein, et Watson et Crick, ben le Watson, là, lui, il est post-humaniste, et il y en a beaucoup. J'ai rencontré des généticiens, puis je parlais tout à l'heure de Aubrey de Grey, qui est un scientifique quand même de l'Université de Cambridge, qui n'est pas une petite université, qui est quand même une grande université célèbre. Et donc, il y en a beaucoup, et c'est ça, moi, qui m'a impressionné, c'est qu'on voit qu'il y a des grands scientifiques qui n'hésitent pas, quand on leur pose des questions, à caresser ces rêves-là. Ray Kurzweil au MIT, qui est médaillé de l'Académie des sciences des États-Unis, c'en est un autre qui est assez spectaculairement transhumaniste et post-humaniste. Nous sommes en entrevue présentement avec Antoine Robitaille, qui a publié un livre aux éditions du Boréal, Le Nouvel Homme Nouveau, publié en 2007. Et vous écoutez toujours Radio Zinzine, et c'est l'émission Racine de Moisin. Monsieur Robitaille, qu'on pense au film La Matrice ou au livre d'Isaac Asimov, la science-fiction a souvent évoqué le spectre d'une éventuelle guerre dans laquelle les robots tenteraient de prendre le dessus sur l'humanité. Or, dans votre livre, vous dites qu'on observe plutôt une certaine fusion entre l'humain et les machines. Ben, moi, j'observe que les prothèses sont de plus en plus nombreuses et réussissent à guérir des corps qui sont brisés ou à réparer des corps qui sont brisés ou à compenser pour des dysfonctions du corps. J'observe que ces prothèses-là, on a pour objectif de plus en plus de les rendre intelligentes, donc de les rendre très, très immiscées là, dans le corps. C'est ce que j'observe. Est-ce qu'il y a une fusion de plus en plus grande? Ça, je pense que ça longtemps dans le rêve transhumaniste et post-humaniste. Et puis, ces gens-là, ils voudraient qu'on aille plus loin. Le corps humain, pour eux, est un truc assez imparfait. On n'est pas le zénith. Ils répètent ça souvent, les post-humanistes. On n'est pas le zénith de la création. On pense souvent, nous, l'homo sapiens, qu'on est bien meilleur que tout le reste de la création. Je parle de création ou de la nature, pour enlever la connotation religieuse. Donc, je n'annonce pas cette fusion-là nécessairement. Moi, j'observe que ça progresse. Je démontre que ça éveille des rêves et des espoirs chez les post-humanistes, et même chez certaines personnes qui se disent pas post-humanistes. Et est-ce qu'il va y avoir une guerre maintenant entre les robots et nous? Ben, justement, c'est intéressant ça. J'ai posé la question à Ray Kurzweil. Et Kurzweil, sa réponse, ça a été de dire, ben, il n'y aura pas nous et eux. Il va y avoir une fusion entre nous et eux. Donc, on va copuler, si vous voulez, avec nos machines, là. C'est Marvin Minsky qui dit, ce qui est un autre roboticien transhumaniste, qui dit, ben, ça va être nos enfants, les robots vont être nos enfants. Hein? Alors, il n'y aura pas nous et eux. Par contre, il y a certains transhumanistes, eux, qui parle beaucoup de la possibilité de la singularity. Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est un... j'en parle un peu dans le livre. C'est un truc complètement pété, qui est un scénario complètement pété, qui est le suivant. Un matin, on pourrait se réveiller dans 30 ou 40 ans. Ça pourrait être dans 50 ans. Là, il y a toutes sortes de scénarios et toutes sortes de d'échéanciers. Où les ordinateurs interconnectés deviendraient plus intelligents globalement que l'humanité. Et c'est le seul scénario que j'ai trouvé qui peut ressembler au fameux scénario d'Asimov ou vous en évoquiez un autre tout à l'heure. La matrice. Oui, la matrice, c'est ça. Donc, que les ordinateurs interconnectés deviennent une sorte de cerveau planétaire qui se mette à se programmer lui-même. Certains disent que la singularité, ce ne sera pas nécessairement contre l'humanité. D'autres disent qu'ils ont peur de la singularité. Donc, c'est deux possibilités. Monsieur Robitaille, n'est-il pas logique de dire que derrière les ambitions des post-humanistes et des transhumanistes se cache un mépris pour le corps humain et pour l'humanité elle-même? Ah, c'est totalement vrai. Il y a, pour l'humanité, je ne le sais pas. Mais pour le corps humain, oui. Il y a même des expressions de transhumanistes qui sont célèbres. Hein? Il y a l'expression « the meat machine ». On n'aime pas le corps, c'est une espèce de machine à viande. Ça n'a pas l'espèce de caractère très lisse et propre de la machine. L'autre expression que j'ai entendue, on l'avait attribuée à Marvin Minsky, c'était « a bloody mess of organic matter hein? ». Un foutu, moi je l'ai traduit par « foutu fouillis de matière organique ». Mais j'ai écrit à Marvin Minsky, j'ai dit « foutu bloody mess of organic matter, est-ce que c'est vous ça? » Il a dit « ah non, Meat Machine c'est moi, mais bloody mess c'est pas moi, mais de toute façon, peut-être j'ai déjà dit ça, c'est le genre de blague que je fais régulièrement sur le corps humain. » Donc, ces gens-là disent « la création de l'être humain, qui serait un robot super intelligent, peut-être supérieur à l'humain, ou un homme génétiquement modifié qui ne pourrirait pas tranquillement, qui ne dépérirait pas, ben ça serait beaucoup mieux que le corps humain actuel. Donc, oui, il y a un mépris. Est-ce qu'il y a un mépris pour l'humanité? C'est une bonne question et ça revient à une des questions que j'aimerais, moi, explorer plus tard. C'est la question de l'humanisme. Est-ce que l'humanisme nous amène à la post-humanité ou est-ce que l'humanisme peut empêcher la post-humanité? Il semble y avoir dans l'humanisme différents courants. Il semble y avoir différentes sortes d'humanisme qui font que c'est difficile de trancher la question. Parce que les post-humanistes eux-mêmes, comme vous l'avez peut-être lu, ils le disent, notre post-humanisme, c'est le prolongement de l'humanisme. Parce que l'humanisme, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en l'être humain. L'être humain qui veut toujours se dépasser, ben, si on est logique, l'être humain va prendre le relais de l'évolution naturelle, qui est une évolution aveugle. Et nous, on ferait mieux. Hein? C'est un peu ça que disent les post-humanistes. Mais il y a des humanistes qui disent, ben non, l'humanisme, c'est aussi la profonde conscience et l'aveu qu'on ne peut pas remplacer Dieu. Hein? C'est le mythe d'Icare, c'est les vieux mythes grecs, justement, même le mythe de Prométhée, qui nous disent, l'humanisme, c'est qu'on a des limites. On a des limites, Et il y a aussi un cycle à la vie qui est nécessaire. Vous avez peut-être lu l'interview à la fin avec Léon Casse, qui est un anti-posthumaniste radical. Lui, peut-être que ce serait le bioludite par excellence. Lui dit, il y a un cycle à la vie, il faut l'accepter, il faut arrêter de lutter contre ce qui est notre condition de mortel, et c'est notre condition de mortel qui fait notre grandeur. Alors, d'ailleurs, au congrès des posthumanistes à Toronto où je suis allé, j'ai rencontré le représentant de l'association humaniste américaine. Vous voyez, les humanistes étaient là pour dire, les post-humanistes sont avec nous dans la bataille sur les cellules souches. Parce que les humanistes, l'association humaniste américaine, ils disent, ils sont avec nous. Nous, on se bat contre les créationnistes, on se bat contre les bioludites qui veulent pas, qui refusent le progrès. Il y a sûrement d'autres humanistes aux États-Unis qui diraient, ben non. Au fond, tout le monde se réclame de l'humanisme. C'est ça que je trouve impressionnant. Et je pense qu'il y a quelque chose là à clarifier et qui est en train d'être clarifié philosophiquement. Parce que c'est pas tout de dire on est humaniste contre les post-humanistes. C'est trop simple. C'est trop simple. Si on remonte à Pic de la Mirandole qui disait l'être humain est un être sans essence, il se construit lui-même, c'est un peu, ça fait penser évidemment à Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est un humanisme, selon Jean-Paul Sartre, parce que c'est justement une façon, c'est l'existence qui précède l'essence, il n'y a pas vraiment d'essence, il n'y a pas vraiment de nature humaine, et la nature de l'homme, c'est justement de ne pas avoir de nature. Évidemment, si on n'a pas de nature, les post-humanistes disent, ben justement, c'est nous qui allons faire l'homme de demain, qui allons créer un nouvel homme, qui va être peut-être plus puissant, moins mortel et tout ça. D'autres vont dire, ben non, l'humanisme, c'est de reconnaître la grandeur de nos limites. Hein, on a des limites, et c'est justement ce qui fait de nous des êtres aussi grands, c'est de se questionner constamment sur cette condition-là qui peut avoir l'air absurde. On se cultive, on donne naissance à des enfants, puis à un moment donné, on meurt. Ce qui peut avoir l'air absurde, d'autres vont dire, ben c'est dans le cycle naturel de la vie. Monsieur Robitaille, en dernière question, je vous cite un philosophe du début du siècle, Nicolas Berdiaf, oui, qui a écrit en épigraphe à l'édition de 1932 de « Au meilleur des mondes » de Aldous Huxley. Il disait la chose suivante, « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante, comment éviter leur réalisation définitive. Les utopies sont réalisables. La vie marche vers l'utopie. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Mais moi, j'ai écrit mon livre avec cette phrase-là en tête. Hein. C'est clair que les utopies, c'est pas quelque chose nécessairement de positif dans ma bouche et sous ma plume. Il y a un potentiel totalitaire dans l'utopie. Que ce soit l'utopie écologiste, moi, que j'ai étudié quand j'étais étudiant en sciences politiques, ou l'utopie biogénétique et l'utopie post-humaniste. Donc, cette citation-là, elle est belle, elle est magnifique, et puis elle nous annonce, elle nous invite peut-être à redécouvrir l'humanisme qui accepte les limites de l'être humain, sans les accepter béatement, là, sans dire on va retourner à la chandelle, là, c'est pas ça l'idée. C'est sûr que la technique peut nous servir, mais peut-être qu'à trop vouloir dépasser et surmonter toutes nos limites, on risque de perdre notre humanité et perdre aussi ce qui fait sa grandeur. Monsieur Robitaille, merci énormément d'avoir été là. Merci, Monsieur Robitaille. Ça me fait grand plaisir. Thank you. Zinzine et on vient d'entendre Antoine Robitaille qui nous présentait son livre Le Nouvel Homme Nouveau, publié aux éditions Borel en 2007. On peut simplement ajouter que même si les promesses des transhumanistes sont certainement très exagérées et en grande partie irréalisables, au moins elles sont là et elles correspondent à des ambitions bien précises, à un projet social et politique qui cherche à se réaliser et qui s'exprime ici d'une manière radicale, comme l'a montré Antoine Robitaille. Et donc voilà, c'est une utopie parce qu'elle manifeste la dernière forme de l'utopie capitaliste où la machine devient le modèle pour à la fois la maîtrise du vivant, entre guillemets, et aussi la maîtrise de l'homme qui est trop indiscipliné et un petit peu trop turbulent pour cette économie qui doit fonctionner sans trop de problèmes. Plutôt qu'un homme augmenté que nous promet le transhumanisme, il y a fort à parier que ce soit un homme diminué en étant ravalé au rang d'instrument. Plutôt que de tenter de dépasser la condition humaine par l'asservissement et l'aliénation à la technologie, il me semble un peu plus intéressant de continuer à en explorer les possibilités à travers des formes nouvelles et plus riches d'organisation sociale et politique. Sauf que voilà, c'est un peu plus difficile que de mettre au point des machines. L'histoire humaine est quand même vieille de seuls d'à peine 10 000 ans et je pense qu'on est loin d'en avoir épuisé toutes les possibilités. Pour terminer, il faut souligner le fait qu'au Québec, peut-être au Canada d'une manière plus générale, il y a tout un mouvement de critique du scientisme, mouvement pour essentiel d'origine universitaire, mais qui visiblement s'occupe de toutes ces questions liées au scientisme, aux technosciences. On pourrait citer juste Cécile Lafontaine, voilà, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal, et qui a publié 3 livres, L'Empire cybernétique, des machines à penser à la pensée du machine, ça s'est publié en 2004, La société post-mortelle en 2008, et tout récemment Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, ça s'est publié en 2014, c'est donc cette année. Les 3 ouvrages sont disponibles aux éditions du Seuil, et voilà, elle menait une enquête justement qui complète par certains aspects celle de Antoine Robitaille, Le Nouvel Homme Nouveau. Sinon, sur Internet, vous pouvez également trouver une brochure intitulée « Dossier sur la critique du transhumanisme », ce qui est un recueil d'articles en grande partie qui viennent aussi du Québec. Il suffit de taper « Dossier critique du transhumanisme » et vous tombez dessus tout de suite. Je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.